Alors, tu lis l'intitulé de... Alors, non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, là, parce que j'ai du mal à me concentrer si vous parlez, ça va se dissiper. Alors, vas-y, lis l'intitulé. Donc, nous remercions aujourd'hui Claude Terminel, les membres fondateurs du CIRA, de nous parler de la guerre civile espagnole, un point d'histoire pour notre organisation. Aurait-elle pu connaître une autre issue, la responsabilité des anarchistes? Alors, vous avez bien entendu l'intitulé. On parlera incidemment de la révolution espagnole, mais pour le moment, mon exposé parle sur la guerre civile, ce qui n'est pas la même chose. Voilà. Le 19 juillet, quand les franquistes, qui n'étaient pas encore franquistes, parce que Franco n'avait pas la responsabilité supérieure à l'époque, je crois que c'était Mola qui l'avait fait un autre jour, se sont soulevés et qu'ils ont envahi les îles, comment ça s'appelle? Hein? Non, Canaries, c'est pas loin. Non, là, pas d'Espagne. Là. Les Baléares, ouais. Ça a commencé par l'invasion des Baléares. Ils ont tout de suite laissé apparaître comment ils concevaient la reprise en main de l'Espagne. C'est-à-dire que tout ce qui était ne serait-ce que vaguement à gauche, tout ce qui était des instituteurs, était aussitôt fusillé. Ça a commencé comme ça. On ne peut pas dire qu'ils n'étaient pas francs. Parce que l'armée espagnole, c'était une caste. Elle était totalement inefficace pour faire une guerre extérieure, mais elle était capable de servir dans le cadre de, j'allais dire l'Hexagone, dans le cadre de l'Espagne. Et eux, ils avaient un esprit de caste terrible qu'ils avaient cultivé au Maroc espagnol, où ils ne faisaient pas de prisonniers, ils coupaient la tête directement, c'est-à-dire qu'il y a eu une révolte. Donc ils se sont lancés sur les Baléares, mais quant à revenir sur le continent, ça n'a pas été une déferlante. Et à ce moment-là, ils n'avaient pas encore l'assistance italienne, et encore moins l'assistance allemande. Alors, ils ont évidemment débarqué, et puis ils ont poursuivi leur programme, et là, il faut dire qu'il y avait quelque chose qui gênait beaucoup les militaires, c'est que la République espagnole, avec tous les tares qu'elle pouvait avoir, elle a 2000 écoles en 5 ans. C'était pas mal. Et alors ça changeait beaucoup de choses dans les villages. Parce que avant la République espagnole, les villages ils fonctionnaient sur double autorité. Le cacique, c'est-à-dire le gros propriétaire du coin, qui était automatiquement maire de son village, et le curé. Mais à partir du moment où on a ouvert 2000 écoles, il est arrivé dans les villages des instituteurs. Alors les gens qui ne savaient ni lire et écrire, ou très peu, ils ont considéré que c'était quand même un avantage pour leurs enfants, et au lieu d'aller se faire écrire des lettres de réclamation par les caciques ou le curé, ils allaient voir l'instituteur. Qui était le maître d'école de leur fils. Et ça, la caste militaire a tout de suite compris que c'était un danger pour elle. Alors, au fur et à mesure de son avance à travers l'Espagne, elle a systématiquement fusillé les instituteurs. C'est-à-dire 80% du corps enseignant espagnol, là où les franquistes étaient maîtres, ont été fusillés. Ça, qu'on apprenne à lire aux gens et à se débrouiller tout seul, c'était quelque chose d'insupportable. Alors, évidemment, lors du soulèvement, la République espagnole, elle n'avait pas beaucoup de troupes derrière elle, d'autant plus que l'esprit de caste de l'armée espagnole n'était pas du tout républicain. Alors elle s'est trouvée évidemment en état d'infériorité militaire, comme instrument militaire. Elle a eu un général, je crois, Miaja, si je me souviens bien, qui s'est rallié à elle. Et puis le gros de l'armée espagnole est resté fidèle au soulèvement qu'il avait amorcé. Et alors, là, militairement, ça a été quelque chose qui était très en balance au départ. La guerre civile aurait dû être gagnée dans les 6 premières semaines, quand l'armée franquiste était encore quelque chose de pas très, très considérable, et qu'il y avait peut-être moyen de l'arrêter. Quand finalement les Italiens sont arrivés en grand nombre, par dizaines de milliers, et puis ils ont amené du matériel, ainsi de suite, c'était déjà plus difficile à gagner. Parce que vous avez vu quand même que ça a tenu 3 ans, le Front républicain. Donc, il n'était pas... il cherchait à se révolter. Alors, dans un événement comme ça, on peut se demander pourquoi la guerre civile... On peut se demander pourquoi la guerre civile a été perdue et pourquoi elle aurait pu ne pas l'être. Alors, si on cherche les responsabilités, c'est très facile. Les socialistes vont dire, qui étaient au pouvoir, hein, au gouvernement, les socialistes vont dire, ah ben oui, mais on n'a pas été assisté par les communistes qui voulaient tout prendre, on a les anarchistes, il n'y avait pas moyen de les tenir parce qu'ils sont anarchistes, pas disciplinés. Voilà ce que peuvent dire les socialistes. C'est pas tout à fait faux, mais ça n'explique pas tout. Quant aux communistes, eux, évidemment, ils ont la bonne excuse, c'est qu'on ne les a pas écoutés parce qu'eux, ils ont la vérité absolue, ils savent ce qu'il faut faire dans toutes les circonstances. Hein? Quand ils ne savent pas, ils s'adressent à Dieu, c'est-à-dire ils s'adressent à Moscou, et puis de Moscou, on leur dit ce qu'ils doivent ou faire ou ne pas faire. Et quant aux anarchistes, eux aussi, ils ont le même genre de réflexe quant à leur responsabilité dans la guerre civile. Parce que moi, j'ai entendu la célébration du 19 juillet pendant au moins 10 ans à Marseille. Et alors Frédéric, elle arrivait là et elle disait, sur le fond de son discours, quand elle avait parlé pendant 3 quarts d'heure, le fond de son discours c'était la conclusion suivante, « Lo que nosotros hemos hecho, nadie en el mundo lo ha hecho. » Donc ils avaient été les plus beaux, les plus forts, c'est pas de leur faute si la guerre civile avait été perdue. Hein, c'était la faute des autres, des républicains, des socialistes et des communistes. Mais ça n'explique pas tout. Ce qu'on ne sait pas et ce dont on ne parle pas, mais pas plus dans les milieux anarchistes d'exilés, c'est quand le soulèvement s'est produit, les Marocains sont arrivés jusqu'au gouvernement républicain et puis ils ont fait la proposition suivante. Si vous nous accordez l'indépendance, maroc-espagnol, hein, si vous nous accordez l'indépendance, non seulement on ne fournira pas de troupes à Franco, mais on se battra à vos côtés. Quand on est socialiste, on peut hésiter à réduire le territoire. Vous savez que les socialistes, ils sont anticolonialistes, enfin l'Algérie c'est la France pour nous. Hein. Bon, aux communistes, eux, ils avaient des visées tout à fait différentes, ils attendaient les ordres. Et là, le gouvernement républicain a envoyé quelqu'un voir Blum qui était au pouvoir depuis juin 1936. Et Blum, Blum socialiste, il était velléitaire parce que les socialistes en général, ils sont velléitaires. Ils meurent courageusement, les socialistes, pour une cause qui n'est pas la leur. Hein? Bon, alors ce comportement... Le Blum a reçu un émissaire du gouvernement républicain qui a fait part de la proposition qui aurait été faite. Et Blum, oh, oui, mais alors, vous vous rendez compte, si vous donnez l'indépendance au Maroc espagnol, eh bien, le Maroc français va se soulever à nouveau. Non, là, il faut réfléchir, enfin, il faut gagner du temps. Et la proposition, sur le moment, n'a pas été retenue. Bon, ben, on peut le comprendre de la part de socialistes, de la part de républicains, ben, perdre le Maroc espagnol, ça pouvait être triste. Bon. Mais les anars, ils étaient au pouvoir, ils avaient accepté d'être au gouvernement, eux. Hein? Ils y étaient. Pour un anarchiste, qu'un peuple ou une nation veuille son indépendance ne plus être dominée par un pouvoir extérieur, ça paraît dans la norme des choses.

cette épopée, de cette guerre civile, je crois que je suis le seul ici. J'ai téléphoné un peu plus tard, la prochaine, je crois qu'il a mal en point, mais il ne m'a pas reconnu. Alors, parlons pas de ceux qui sont disparus. Moreno, qui a fait la guerre avec moi, avec Dorothy, au front de la. Je vous parlerai après d'Aragon, et surtout maintenant je vais finir, concrétiser la Odyssée là, sur l'entrée des anarchistes au gouvernement. Ils ont entré au gouvernement contre les forcés. Même Frédéric Monseigne, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Personne ne voulait rentrer. Mais il y a eu une réunion, et si on ne rentre pas, on risque le pire. Et alors, dans cette circonstance exceptionnelle, solution exceptionnelle, parce que l'anarchie, ce n'est pas de rentrer au gouvernement, mais on a été forcé de rentrer. Parce que, bon, on a habité le pire, ce que j'ai dit tout à l'heure. Bon, beaucoup ne sont pas d'accord, mais si j'en étais en Espagne, je crois qu'ils auraient fait pareil. Alors, maintenant, étant donné que j'ai fait la guerre avec Dorothy, Moreno, il était en loin de chez moi, malheureusement, il n'est pas là. Pour ça que j'ai cité la parole de Léo Ferrer, avec des temps tout sur le camp. Et nous aussi, on partira petit à petit, mais j'espère qu'il nous restera la mémoire de ce qu'il y a eu en Espagne. Alors, j'étais au front d'Aragon. On a été piégé, mais on est gentil, on dit qu'on casse tout, mais de fond, on est trop gentil. On a accepté, tout, sauf la victoire. Bon, on a accepté la militarisation. On a accepté d'attendre qu'ils nous donnent des armes pour avancer. J'étais au front d'Aragon. Bucaralos, Pino d'Ebro, tout ça, on attendait des armes. Pendant des mois, voilà, on faisait rien. Après, il y a eu l'offensive de Madrid, bon, le volontaire pour aller un peu à secourir à Madrid parce que ça va mal, Franco y attaque, bon, volontaire pour partir à Madrid. Alors, Dorothy, bah, il a pris le volontaire, mais je ne suis pas voulu aller. Bon, j'étais allé à Madrid, et à Madrid, qu'est-ce qui lui a passé? Madrid a parti de Madrid, ils se sont servis de Dorothy pour le tuer par derrière. Voilà. C'est pas par devant, c'est par derrière. Et ça, c'est ça qu'il faut savoir beaucoup, ils savaient pas tout là-dedans. C'est qu'il y avait là, le communiste là, le campesino, l'Istéo, tout ça, aux ordres de Moscou, ils avaient déjà assassiné pendant le coup d'État à Barcelone, le communiste, là, ils avaient déjà assassiné André Nin, Bernieri, un anarchiste italien. Alors, et petit, on était piégés, ils ont assassiné Dorothy, parce que Dorothy représentait pour nous une valeur d'allergie, de volonté d'avancer. Ils ont supprimé la maison. Alors, les armes, on acceptait l'armée. Bon, en principe, on était un centurion. Un centurion, c'était une centaine, avec le capitaine, enfin, le délégué, mais pas le capitaine. Et après, on a passé à militaire, voilà. Moi, j'étais dans la communication. Et alors, on a été piégé parce que nous, en acceptant la militarisation, vous allez recevoir des armes. Alors, si on a des armes dans la rigueur, on va être tant pire, on va se faire militaire. Parce que sans armes, on ne peut pas gagner le combat. La révolution, c'est un combat. Il faut le faire avec des armes, sinon, il te fait massacrer. Alors, les armes, on n'a jamais reçu des armes. Les armes qui venaient de Russie, de ça, c'est c'était pour le Campicino, l'Istère et toute la bande de communistes qui avait là. Alors, vous avez vu, par exemple, il y a eu des films là, pour la guerre d'Espagne. Pour ça, il y a eu une longue histoire, c'est la guerre d'Espagne. Il y a des films qu'on a passé à Aix, on a passé deux fois, il y avait tout ça aussi là. Autre futur, on va bien là, ce que c'est là, que ça commence à passer la révolution et tout ça. On va bien. Il y a aussi Mourir à Madrid. Mais Mourir à Madrid, c'est encore un documentaire. C'était fait pour le service de presse de soviétique. Là. Vous ne voyez rien que la passionnariat. Hein. Une manipulation. Après, il y a un film, là, Fredon, tout ça. Fredon. Alors, c'était la chasse aux trotskistes avec le militaire, communiste, avec le, tout ça, c'était un massacre. Alors j'ai assisté aussi au coup d'état à Barcelone, là. Coup d'état de communiste, là, pour s'emparer de la téléphonique. Téléphonique et tout. Et bien là, ça a été la chasse. Enfin, ils n'ont pas arrivé, mais c'était la chasse. Autre schiste, il a fallu que la Confédération intervienne pour pas que les trotskistes ne soient massacrés comme de la peine. Mais là, peut-être. Et aussi nous. C'est là qu'ils avaient tué André Nin et les autres compagnons. Alors c'est pour ça que l'histoire de la Révolution espagnole, après la guerre civile, il y a beaucoup à dire. Et je pense que le coupable d'avoir perdu la guerre, c'est la démocratie. Là. La démocratie obscène. Quelqu'un a dit obscène, mais je dirais pire qu'obscène. Qu'ils ont inventé là, le comité de l'intervention, vous le savez cette histoire. Alors, les Français étaient d'accord, les Anglais aussi, et toute la démocratie obscène était d'accord. Pourquoi ils étaient d'accord? Pour tuer la révolution. Parce que ce qui faisait peur à eux, c'était pas Franco, c'était la révolution. Ils ont préféré mieux Franco qu'une république autogérée, une république sociale et libertaire. Voilà notre défaite. Mais on a perdu la guerre, mais on a gardé la révolution. Et là, vous avez le programme de la Fédération de collectivités d'Aragonie. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien d'Aragonie. Alors, il ne faut pas dire qu'on a tout perdu. On n'a pas tout perdu parce que ça reste toujours quelque chose. Et j'espère que la génération prendra note de tout ça et que ça va continuer. Voilà. Jacques, il y a ma secrétaire, qui a une mise au point à faire, ou je ne sais pas, une petite note à vous donner. Juste une parenthèse au cas où les gens qui attendent exprès. Il y a des questions qu'on regarde les rushs du dernier film de Pierre Carles, Ni vieux ni traître. Et la cassette est en train d'arriver de Paris, voilà. Mais elle n'est pas encore là. Bon, alors on peut continuer un petit moment. Voilà, donc simplement. A priori, on ne pourra pas voir. Oui, Jacques, je te trouve bien optimiste en disant que vous avez gardé la révolution, et ainsi de suite. Vous n'avez rien gagné du tout, rien gardé du tout, et même pas le mouvement anarchiste et sénétiste en Espagne. C'est maintenant quelque chose d'inexistant. Vous avez donc, dans cette guerre civile, perdu. Tout. L'histoire des collectivisations, qui c'est qui la raconte, en dehors de nous? Personne. On n'en parlera pas parce que on a tout perdu pour pas avoir pris la bonne décision qui aurait sauvé la République et qui nous aurait peut-être permis, j'en sais rien, et qui nous aurait peut-être permis d'approfondir l'action du mouvement libertaire qui depuis ce moment. Effectivement, le gouvernement anglais était tout à fait opposé à voir cette révolution voir le jour. Hein. Il était... Tous les Anglais. Non, mais tant que... Tant que la République espagnole a existé, les intérêts anglais n'étaient pas menacés. Pour prendre le pouvoir du gouvernement, parce que les ordres,

général, en parlant de l'Espagne, j'ai pris une charge de mes parents, en gouvernement républicain. Alors, Alors, ma propre personnalité, pour le républicain, pour le républicain. Alors, après, tu as parlé de la maison. L'embarquement des autres, c'est pas bien. Alors, hier soir, j'ai téléphoné à la conférence parce que la République, qui a fait mon livre sur les assassinats de Franco en Marie, sur l'île. Il y a une phrase de Valéa, un futur exemple, par exemple, le cimetière sur la lune est vers mon os. Il explique aussi que tous les antifascistes de la constitution de la Fondation, ça fait partie dans la base de France, ça a été poussé avec la matérielle, avec la matérielle. Il participe à l'assassin, il y avait un père aussi, dans les assassins. A vu que ça était la Seychelles, de la Maillot-Père. Il y avait une porte aussi, de la Maillot-Père. Alors après, il y avait ces métras. Alors après, tu as parlé de Félica. Nous, l'entreprise, c'est la faute aux autres. C'est vrai. Ça a été la faute aux autres. Nous, on a perdu la guerre. On a gagné la révolution. Ici, par exemple, j'ai un truc sur le truc d'Aragon et de Thomas. Alors, comment nous laissons organiser l'Aragon? Tout, la monnaie, ça veut dire qu'avec l'Espagne, on ne marche pas avec la monnaie, on marche avec le monde. Parce que la monnaie, on arrive dans la Fédération pour l'utilité de l'Aragon. Donc, vous avez gagné la révolution. À partir de l'entraînement, surtout en Aragon. Alors, Frédéric Lévy, c'est pas la faute à nous, c'est la faute aux autres. C'est la vérité, parce que tous, attention, aussi bien la droite que la gauche, ils étaient contre ça. Contre la, par exemple, la politisation, la révolution de la monnaie. Tous, ils étaient contre ça. Donc voilà, on a prouvé qu'il y avait des hommes, c'est pour qu'on a gagné. Mais on a gagné la révolution. Après, il y a par exemple, c'est le patriarcat. C'est-à-dire, je t'écoute. Je n'ai pas chiffre au gouvernement. Je n'ai pas chiffre au gouvernement. Moi, je ne trouve pas non plus, mais je ne sais pas. Si par exemple, les anarchistes ne veulent pas rentrer au gouvernement, ils auraient rentré le communiste au gouvernement. Si on rentrait le communiste, vous savez ce qui s'est passé avec eux. Ça aurait été l'assassinat de toute la population. C'est pour ça qu'on avait rentré le gouvernement. Pas pour faire de la politique, mais pour empêcher l'assassinat comme ils avaient fait à ailleurs. Voilà pourquoi. Parce que vous n'avez pas trop mal de mal. Et après on a parti. On a dit qu'on ne pouvait pas le faire, mais on a empêché le pire. Alors, voilà une chose sur le programme de tout ça, de faire la même chose. Alors, tu dis, la faute, c'est à nous. Il y a un proverbe en espagnol qui dit, entre tous en matable, il y a la chose à ce niveau. Entre tous, donc tu veux que tu peux faire tout à ça. On parle si les gens ne sont pas avec lui, il n'est pas avec lui. Bon, alors, est-ce que tu pourrais laisser parler Sylvie, s'il te plaît, maintenant? Bon, mais maintenant je m'arrête, je vais laisser Sylvie avec la volonté. Voilà. Alors Sylvie, la parole est. Le président te donne la parole. Voilà, moi j'ai une question. Genre, effectivement, c'est assez logique que quand on est gauchiste, on n'aille pas se mettre au bord du gouvernement, même si j'entends bien ce que dit Jacques, parce que c'est intéressant, que

D'ailleurs, dans les guerres passées, les annales ont prouvé qu'un civil pouvait battre assez souvent des militaires professionnels. Si ça vous intéresse, je vous développerai la chose. Et qu'ils l'ont fait. Non seulement ils pouvaient, mais ils l'ont fait. Parce que, par exemple, pour la Russie, par trois fois, les bolcheviks ont été sauvés par les annales. Macnon, il a battu successivement, Macnon qui était un cheminot, pas un train de savate, non, un employé de chemin de fer, qui était un cheminot, donc rien n'avait préparé, il n'avait pas fait l'école de guerre, lui, hein. Eh bien, il a battu le général Wrangel, il a battu le général Denikine, il a battu le troisième général, hein, parce que, n'ayant pas de tradition, il avait une faculté d'initiative beaucoup plus grande que les blancs, hein, que les généraux blancs qu'il a eu en face de lui. Et il ne les a pas battus par trois fois. Vous voyez ? Et quand il fut un temps, maintenant je ne soutiens plus rien, mais enfin il fut un temps où je soutenais que quand un civil faisait la guerre à des professionnels, les professionnels étaient battus parce qu'ils étaient paralysés parce qu'ils avaient appris. Merci Sylvie. C'est Clémenceau qui disait ça. Tu peux, oui. C'est assez curieux. Quand Barcelone a été pris, les gens ont dit les anarchistes, c'est les plus bons, les plus beaux, les plus grands, on s'enrôle derrière eux. Et puis quand ils se sont retrouvés face du Front d'Aragon, il y en a eu des milliers de gens qui se sont engagés. Mais quand ils ont vu que les balles sifflaient, et quand ils ont vu que le copain d'à côté, il combattrait plus jamais, ils ont commencé à se trouver des maladies vénériennes pour avoir un prétexte. C'était le cas le plus souvent évoqué. Pour ça que je veux pas. Pour aller se faire soigner à Barcelone, et on ne les revoyait jamais. Parce que c'est bien beau de partir en disant « Viva la muerte ». Mais quand on arrive sur le front et que la mort foutu le copain, on se dit « Oh, j'ai eu de la chance, c'est lui, c'est pas moi ». Alors on est beaucoup là, hein, à la largeur. Alors, les volontaires pour aller combattre, il y en a eu qui ont combattu, les gens qui ont suivi deux routes ont combattu. Oui. Oui. Est-ce qu'on avait le temps de consulter la masse pour savoir ce qu'elle pensait? On mais, pas le temps. Mais, attends. Bon, moi, à mon avis, je vois difficilement qu'on en aurait le temps. Alors, donc, je veux dire, quand tu dis nous, anarchistes, tu me fais dire peut-être des gens qui concrètement ne font rien. Alors, moi, c'est mais, pas. Là, je parle de la masse, de la classe, de la masse, pas de prendre les autres des gens qui disent. Est-ce qu'on peut avoir une idée justement du nombre des structures, comment nous étions organisés? Mais je pense que. Il y en avait beaucoup qui étaient contre rentrer au gouvernement. C'était tout à fait opposé. Donc ceux qui étaient au gouvernement, de toute manière, ils étaient en contradiction avec eux-mêmes. Et comme disait Jacques, en fait, c'est vrai qu'ils sont rentrés pour empêcher les communistes d'entrer. Après, ils étaient la guerre civile, et ce n'était pas la guerre civile et après la révolution. C'était la guerre civile et la révolution. Oui. Oui. Donc, ce qui explique quand même cette difficulté de prendre une décision. Et puis idéologiquement, philosophiquement, il ne pouvait pas être gouvernement. Et qu'est-ce qui se serait passé si effectivement les anarchistes seraient restés au gouvernement? Ils n'auraient pas été si sages. Mais... Voilà, c'est pas possible. Écoutez, il y avait une contradiction là, et il y avait différents courants anarchistes. Oui. Ce n'était pas nous les anarchistes. Oui. Moi, ce que j'ai traité, c'est les débuts de la guerre civile, quand elle était gagnable. Après, c'était une question de rapport de forces militaires. Et là, je ne suis pas assez calé pour traiter le sujet. Quand les Italiens sont venus avec des dizaines de milliers d'hommes et du matériel, quand les Allemands sont venus fournir une aviation à Franco, là, c'est pas moi qui peux faire... Mais il y a tout un aspect idéologique et philosophique que le mouvement anarchiste, c'est pas parti. Bon. Enfin, c'est écoute... idéologique, ça, c'est des paramètres à prendre en compte quand on refait l'histoire. Moi, je ne suis pas historienne, mais... Non. Je sais ce que j'ai vécu de faire. Non, mais la perspective, c'est la suivante. Si les franquistes n'étaient pas arrivés jusqu'à Bilbao, la guerre était perdue pour eux. Et ça, les anarchistes pouvaient le provoquer. Ils étaient... imaginez, vous connaissez Solidaridad Obrera? C'est le journal officiel du mouvement anarchiste en exil. Bon, alors, encore plus. Bon. Imaginez les grosses manchettes à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires parmi le mouvement anarchiste et le public. Mais le public aurait dit, mais bien sûr. Et à ce moment-là, quelle pression sur le gouvernement espagnol il pouvait exercer? Il aurait dit, écoutez, nous on est au gouvernement, mais sinon les copains ne nous suivent pas, on ne représente plus rien. Bon, alors, le moyen de pression sur Léon Blum, qui lui avait la clé de la situation en envoyant quelques wagons d'armes. Pas des quantités. Bon. Il y a aussi un aspect, moi j'ai assisté à une conférence à propos justement des anarchistes face à la colonisation. Alors je ne sais pas si je saurais expliquer, je le sens, je comprends, les anarchistes, la décolonisation, ça fait partie aussi d'un système politique, donc pour eux, à partir du moment où ils rentraient dans ce système, pour eux c'était pas ça la solution. Ah oui, c'est là où... C'est-à-dire, on a un moment très pénible lorsqu'on défend le mouvement fasciste, à savoir la lutte qui existe en Bahamas, c'est ce qu'on appelle un standard régime. Si, au lieu de tous les anarchistes, de la masse des anarchistes, c'est une élite qui se gouverne, cette élite est discutable parce qu'elle s'éloigne de la masse. C'est un gros problème, parce que c'est exactement le même problème si il faut prendre parallèle de l'armée. Le problème du fascisme, le pouvoir de plusieurs représentés par un seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que si vous êtes un anarchiste, pardonnez-moi l'expression pure et dure, vous avez de grandes difficultés à comprendre qu'il y a un seul personnage qui vous représente. C'est pour ça que la discussion est très difficile quelquefois, mais il faut l'aborder sur la chose qui est liée, parce que lorsqu'on parle de la loi des grands nombres. Et la loi des grands nombres, elle est difficile. Vous avez des idées divers, qui sont des idées divers, mais qui ont le même idéal de liberté, le même idéal de social, si vous voulez, vous pouvez très bien avoir beaucoup d'argent et être socialiste, et avoir une fonction de capitaliste. Vous voyez, dans le monde moderne, vous avez une masse de gens qui représentent le peuple, mais qui représentent pas le peuple, on voit bien avec le pouvoir à ce moment des sénateurs. Ce qu'on appelle les sénateurs, ce qu'on appelle les sages, la bourgeoisie, ça disparaît complètement, parce que les sages sont devenus des gens qui cherchent une banque, un endroit où faire dormir tranquille. Alors, la base de l'anarchisme, de la révolution, c'est de ne jamais être tranquille. Quelle que soit votre position, quel que soit votre statut social, vous n'êtes jamais à l'aise dans votre base. Vous êtes assis sur une chaise, vous pouvez toujours vous procéder en calme, vous êtes en route, vous pouvez vous

l'anarchie comme on sait de Tabanchi. Alors, les Allemands, ce qui est l'armée, bon, si vous mettez en ce touillon, ce touillon, c'est un assassin, c'est le capitaine, c'est un rival. Et après, on a passé à. Alors, on a été piégé parce que nous, en acceptant la réalité de la chambre, vous arrivez récemment à des armes. Alors, évidemment, si on a des armes, on va arriver, on va s'en dire, parce que ça fait 8 ans. Et sans armes, on ne peut pas mettre le combat. La révolution, c'est le combat. On peut faire avec des armes. C'est un massacre. Alors, les armes, on n'a jamais reçu des armes. Les armes qui venaient de là. Ça, c'était pour le camp de Sino, l'Isper, et toute la bande de communistes qui avait là. Alors, vous avez vu, par exemple, il y a eu deux films, en Espagne, le 5 décembre, dans l'histoire, ce qui est en Espagne. Il y a le film qu'on a passé à Aix, on a passé deux fois. Autre photo, pourquoi on vient à la section parce que c'est la révolution, c'est pas bien. Et aussi mourir à Madrid, mais moi, mourir à Madrid, c'est pour le documentaire, c'était fait pour la service de presse et de soviétique. Mais il y avait que la passionnante de la manipulation. Après, il y a un film, Fredon, tout ça. Donc, alors c'était la chasse aux fascistes avec le militaire américain, le communiste avec le Tout ça fait un massacre. Alors j'assistais aussi au coup d'État à Barcelone, l'État de communiste, là, ça parlait de la téléphonique. Téléphonique et tout. Et de là, ça a été la chasse. Enfin, ils sont pas arrivés, mais. C'était la chasse aux fascistes. Il a voulu que la confédération ukrainienne ne pouvait pas, que les fascistes ne pas massacrer de la terre de l'homme. Et aussi, vous, là, qui devait tuer la pandémie, et d'autres. Donc, c'est pour ça que l'histoire de la révolution, c'est un homme qui a aussi dit. Il y a beaucoup à dire. Et je pense que. Le coupable d'avoir perdu la guerre, c'est la démocratie. La démocratie obscène. Comme il y a dit obscène, moi j'ai dit pire qu'obscène. Ils ont inventé là les comités de l'intervention. Vous savez cette histoire. Alors, les Français étaient d'accord, les Anglais aussi, et toute la démocratie obscène, ils étaient d'accord. Pourquoi ils étaient d'accord? Pour tuer la révolution. Parce que ce qui faisait peur, c'était pas la Franco, c'était la révolution. Ils ont préféré Franco qu'une république autogérée, une république sociale et libertaire. Voilà notre pays. Mais on a perdu la guerre, mais on a gardé la révolution. Et là, vous avez voilà, le programme de la Fédération de collectivité de la révolution. Ça marchait très bien. Ça marchait très bien. Parce qu'il ne faut pas dire qu'on a. J'espère que la Générale Jacques, il y a ma secrétaire là, qui a une mise au point à faire, ou je sais pas, une petite intervention. Juste une parenthèse au cas où les gens qui viennent de près. Il y a des questions qu'on regarde les rushs du dernier film de Pierre Carl, qui est de près. Et la cassette est en train d'arriver de marquer, ah. Mais elle n'est pas encore. Bon, alors on peut continuer un petit moment. Voilà, simplement, a priori, on pourra pas voir. Oui, Jacques, je te trouve bien optimiste en disant que vous avez gardé la révolution, ainsi de suite. Vous n'avez rien du tout gagné du tout, rien gardé du tout, et même pas le mouvement anarchiste et sénétiste en Espagne. C'est maintenant quelque chose d'inexistant. Vous avez donc dans cette guerre civile perdu. Tout. L'histoire des collectivisations, qui c'est qui la raconte en dehors de nous? Personne.